Les découvertes musicales de Fadjet. Musicien, chanteur et compositeur Ouriel vous présente ses musiques entre chansons françaises et soul funk américaine. Voici À trop vouloir. Faites le plein de bonnes ondes avec Fadjet. Je rêvais d'être cet homme que tout le monde admirait. Je rêvais d'être cet homme que les gens respectaient. Je voulais être ce type, pas celui d'à côté, celui dont tout le monde parle sans jamais le montrer. Je rêvais d'horizons et de nouvelles contrées. Chose que tout le monde cherche sans jamais les trouver. Être le premier, le seul, l'unique, le préféré, celui que tout le monde aime sans jamais en parler. Mais à trop vouloir toucher le ciel, on en oublie presque la terre. Oh oh, à trop vouloir rêver sa vie, on en oublie de vivre la sienne. Face à moi-même, j'ai eu des rêves de gloire aussi vite effacés qu'une ombre sur un miroir, et moi qui disparais. Sur la ligne de départ, j'ai pas su me lancer, et puis le temps qui passe, je me suis oublié. Sur la route de ma vie, j'ai pris plusieurs chemins. J'ai dit merci et d'autres sans lendemain. J'ai pas souvent gagné, mais j'ai jamais perdu cette envie d'exister. Chanter que je ne veux plus, qu'à trop vouloir toucher le ciel, on en oublie presque la terre. Oh oh, à trop vouloir rêver sa vie, à trop vouloir aimer les gens, on oublie de leur dire je t'aime. Je me suis perdu avec le temps, je me suis perdu face à moi-même. J'irai loin, j'irai là où personne ne m'a. C'était Ouriel avec À trop vouloir dans les découvertes musicales de Fadjet.